de France Culture. Dans le deuxième des 9 numéros des Chemins de la connaissance que Roland Hoguet consacrait à son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde », exposant la théorie générale qu'il y développait, René Girard décrivait comment, selon lui, le religieux ne pouvait apparaître qu'à partir du processus victimaire, à partir du meurtre d'un innocent, d'un bouc émissaire, jugé coupable du désordre affectant la communauté et dont le sacrifice réconciliait cette communauté et unissait ses membres autour des mêmes interdits, des mêmes rites et mythes. Une émission dans laquelle René Girard disait pourquoi, si l'ethnologie et l'anthropologie avaient jusque-là échoué à le faire, on ne devait pas renoncer à proposer, comme lui s'y employait, une théorie du religieux. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, deuxième des 9 entretiens, le rite et l'interdit, une émission diffusée le 19 décembre 1978 sur France Culture. René Girard, nous avons hier défini le mimétisme et nous avons évoqué le fait que le mimétisme aboutissait à certains processus qui sont des processus victimaires, entre guillemets. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ce phénomène se produit ? Les processus mimétiques, le désir mimétique, tend toujours à des processus réciproques. Les individus désirent le même objet et se font réciproquement obstacle. Peu à peu, il me semble, l'accent va passer de l'objet aux individus eux-mêmes. Étant donné, si vous voulez, que plus ils se font obstacle, plus ils désirent l'objet, plus l'obstacle en retour devient important, et plus la rivalité tend vers des formes ouvertes de violence. En quelque sorte, un processus d'escalade s'enclenche, et ce processus d'escalade porte les participants à, comment dirais-je, être de plus en plus fascinés l'un par l'autre, ou les uns par les autres, puisqu'il est toujours entendu que les processus mimétiques étant contagieux, tendent à faire intervenir de plus en plus d'individus. Alors, si l'on admet ceci, on peut penser que chez les hommes, dans les sociétés primitives, ces formes de conflits plus ou moins circulaires deviennent de plus en plus aiguës. Et au cours de ces conflits, une véritable hystérie collective s'empare du groupe. Cette escalade s'installe dans la communauté. Elle implique de plus en plus d'individus, elle les surexcite de plus en plus. Donc le mimétisme qui était fixé sur les objets, et étant fixé sur les objets, suscitait la rivalité, tend de plus en plus à se porter vers les antagonistes eux-mêmes. Étant donné la réciprocité de tous les éléments dans cette lutte, je pense que ce mimétisme de l'antagonisme a un caractère que je qualifierais de flottant. Ce qu'il faut expliquer, c'est comment ce mimétisme va tendre vers le victimaire proprement dit, c'est-à-dire à concentrer les effets mimétiques et violents sur un seul individu. Et ici, nous avons, je crois, un paradoxe qui est à la fois très étonnant et très simple, qui est que le mimétisme d'appropriation divise les individus. À partir du moment où l'objet s'écarte et où ces individus sont fascinés les uns par les autres, le mimétisme va se porter sur les antagonistes et va inévitablement les rassembler. À partir du moment où des substitutions s'opèrent entre les antagonistes, c'est-à-dire où deux ou plusieurs antagonistes choisissent le même antagoniste, mimétiquement, ce mimétisme d'antagoniste va acquérir de plus en plus de poids. Il aura un poids cumulatif, comme tous les mimétismes, mais qui tendra à réconcilier la communauté. Les gens qui essaient de manipuler les foules, pour une raison quelconque, soit pour des raisons démagogiques ou policières, savent très bien que pour apaiser une foule, il faut chercher une victime. Mais on ne cherche jamais à vraiment expliquer de façon très précise ce phénomène. Alors je pense que le mimétisme d'antagonisme, dont je parlais tout à l'heure, finit par rassembler la communauté entière sur une victime. Dans un moment, oui. Et selon un processus cumulatif dont vous ne pouvez pas, en somme, cerner concrètement les modalités, c'est ce non, que vous voulez dire. Non, je ne peux pas cerner concrètement les modalités, et je suis loin de dire que ce processus doit toujours se produire. Mais on peut dire qu'il ne se produit de religieux, une communauté religieuse ne se fonde que dans la mesure où le processus victimaire réussit, n'est-ce pas, aboutit à des résultats suffisamment vigoureux et solides pour produire ce rassemblement de la communauté contre une victime. Lorsque ce rassemblement s'est produit, alors, à mon sens, la communauté littéralement se réveille de son hystérie collective et se trouve soudain sans antagoniste. Par conséquent, il se passe à ce moment-là ce phénomène qui me paraît essentiel pour la compréhension du sacré, qui est le fait que cette communauté, n'est-ce pas, continue à voir dans la victime celui qui l'a troublée et agitée, mais aussi rend cette victime responsable de sa réconciliation. Nous détestons, nous haïssons toujours nos victimes, mais nous sommes généralement incapables de les sacraliser. À mon avis, le phénomène de la victime émissaire à son plus haut régime, celui, je répète, que nous ne voyons jamais, comporte un double transfert. Transfert d'antagonisme, la victime émissaire est responsable, et transfert que j'appellerai de réconciliation, la victime émissaire est responsable aussi de la paix, après l'avoir été de la guerre. C'est mon explication de ce qu'on appelle la dualité du sacré qui inclut toujours à la fois le meilleur et le pire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ethnologues aujourd'hui, le structuralisme en particulier, des gens comme Monsieur Dumézil, qui disent qu'il ne faut pas essayer de définir le sacré des termes comme mana, tous les grands termes qui ayant un sens double ou un sens multiple, ne peuvent pas permettre d'aboutir à des définitions vraiment rigoureuses. Je pense qu'en réalité, on peut et on doit parler du sacré, ou refuser de parler de termes comme mana, sacré, c'est vraiment renoncer à parler du religieux lui-même, n'est-ce pas ? Alors je pense qu'il faut le faire. Je reviens sur un point de détail, je crois qu'on n'a pas très bien précisé le rapport entre la victime et le Dieu. Je dirais qu'entre la victime et la communauté, une inversion des responsabilités s'effectue. C'est vraiment la victime qui est perturbée par la rivalité mimétique, et cette rivalité arrive à un paroxysme et tout pivote sur le phénomène victimaire. La victime émissaire fait passer d'une agitation extrême à la tranquillité. Mais la communauté inverse les rapports. Elle voit l'activité du côté de la victime. Donc la victime apparaît non seulement comme active, mais toute puissante dans le mal comme dans le bien ensuite. Et le sacré, c'est ça. Alors qu'on appelle cette victime ancêtre fondateur, qu'on l'appelle démiurge, qu'on y voit un génie tutélaire, ou finalement un dieu, à mon avis, c'est toujours un peu la même chose. Ce sont des variantes du même phénomène. Alors à partir de ce moment crucial qui est la réconciliation autour de la victime émissaire, aussi bien que contre elle, on peut voir, si vous voulez, que les grands impératifs du religieux, qui sont les rites, les interdits et la mythologie, enfin la mythologie n'est pas un impératif, mais un résultat de ceci, peuvent se concrétiser. Qu'est-ce que l'interdit ? L'interdit, c'est le désir de ne pas retomber dans la crise qu'on vient de subir. Et si vous regardez les interdits de près, ils portent sur la violence dans toutes les communautés, Et il porte sur les objets qui pourraient susciter une nouvelle crise. Les femmes, la nourriture, bien souvent, ou le territoire, ne pas franchir certaines frontières. Très souvent aussi, les interdits portent directement sur des phénomènes mimétiques. Par exemple, dans beaucoup de sociétés, il est défendu, littéralement, d'imiter les membres de la communauté. Dans d'autres communautés, il est défendu de prononcer le nom propre. Il est défendu, et je pense que là, si vous voulez, le nom propre est toujours perçu comme un double de l'individu et comme un double mimétique de cet individu. Par conséquent, à mon avis, l'interdit porte sur le mimétisme. Et l'interdit, loin d'être absurde, au fond, comme le pensent la plupart des théories modernes, en particulier la psychanalyse, ou de s'expliquer seulement par des motifs inconscients, voyez, je pense que l'interdit a une, même s'il n'est pas toujours directement motivé, a fondamentalement une valeur réelle sur le plan de l'harmonie de la communauté. Il est ce qui empêche les hommes de se battre. Et évidemment, ce qui empêche les hommes de se battre est interprété par les communautés à partir de l'expérience extraordinaire qu'elles viennent de faire et qu'effectivement elles interprètent mal. C'est dire que c'est la divinité, c'est la victime qui les enjoint de ne pas faire ceci, interdit. Mais la victime les enjoint aussi de faire certaines choses et elle les enjoint de répéter le sacrifice qui n'est que la mort de cette victime pour laquelle on cherche des victimes de remplacement. La psychanalyse et beaucoup d'écoles psychologiques tentent à interpréter le rite, si vous voulez, comme un relâchement des interdits, une espèce de vacance d'interdits. Et il est bien évident qu'il y a de cela, n'est-ce pas ? Mais à mon avis, le but des interdits et le but des rites est le même. Dans un cas comme dans l'autre, le but fondamental et premier est d'assurer la paix de la communauté. Et il est normal d'assurer la paix de la communauté en empêchant la crise de recommencer. Mais si on s'aperçoit que la crise recommence, l'interdit n'a plus de valeur, le mimétisme a déjà pénétré dans la communauté, le conflit s'est introduit. Par conséquent, et ça c'est très particulier à l'interdit, ce qu'on fait c'est collaborer avec la crise, accentuer le désordre, participer au désordre pour arriver à la solution, n'est-ce pas, qui est assuré par le désordre radical, en quelque sorte, à savoir la solution victimaire. Et les rites, généralement, très généralement, se terminent par un sacrifice. Autrement dit, le rite n'est que la reproduction, la répétition du mécanisme victimaire avec la crise qu'il précède. Cette crise étant forcément contraire aux interdits. Mais je dis, il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce que les rites, au fond, sont destinés à refaire une communauté qui est en train de se défaire. Alors que les interdits, c'est dans les situations normales qu'on a recours à eux, c'est-à-dire on essaye d'empêcher directement la communauté de se défaire. Appelle, si vous voulez, agressivité, qui est un terme abstrait derrière lequel il n'y a rien, vous vous en rendez compte. Qu'un des éléments fondamentaux du religieux est de dissimuler à la communauté sa propre agressivité. Ou de lui permettre de la faire passer dans les rites, de l'exercer d'une certaine façon contre la victime sacrificielle, mais en la percevant comme quelque chose qui est commandé par la divinité. Par conséquent, une communauté rituelle est une communauté qui ne perçoit jamais les risques d'agressivité des membres de la communauté les uns contre les autres, ou qui les perçoit de façon très adoucie, puisque dans la mesure où il y a agressivité des membres de la communauté les uns contre les autres, c'est le Dieu qui en est responsable. Le Dieu en est responsable peut-être pour punir les hommes parce qu'ils sont coupables d'agressivité les uns derrière les autres. Mais en définitive, si vous voulez, le Dieu prend à sa charge tout ce qu'il y a de mauvais dans les rapports humains, de la même façon qu'il prend aussi tout ce qu'il y a de bon. N'est-ce pas ? Puisque par l'intermédiaire des interdits, des rites et des sacrifices, si on les observe, tout ira bien, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Nous sommes entre les mains du Dieu, n'est-ce pas ? Par conséquent, d'une certaine façon, les rites, les interdits fournissent aux hommes des garde-fous contre leur agressivité, une interprétation de cette agressivité qui les empêche de se soupçonner les uns les autres, et aussi des moyens de se défaire, n'est-ce pas, du surplus d'énergie et d'agressivité qui, malgré tout, est là. Dans le fond, les hommes ont été obligés d'élaborer une gigantesque mise en scène pour leur masquer leur propre nature. C'est ça, mais je pense que l'essentiel de ma thèse est de montrer, si vous voulez, que d'une certaine manière, ils ont vraiment élaboré cette mise en scène, comme vous dites. Mais en même temps, il y a derrière des mécanismes qui les ont poussés dans la voie de cette élaboration. Et cette élaboration n'est jamais consciente. Autrement dit, les systèmes religieux croient vraiment à la culpabilité de la victime émissaire, de même qu'ils croient au bienfait de la victime émissaire rétablissant la paix dans la communauté. Par conséquent, le système du sacré n'est pas surimposé à une vision des choses qui serait première. À mon avis, c'est le tort de la psychanalyse. Par exemple, de dire que les hommes inventent des mythes parce qu'ils ont peur de la mort. Il y a vraiment des mécanismes sociaux qui font que les hommes sont poussés dans la voie de ces élaborations. Vous parliez aussi tout à l'heure de la suspicion à l'égard du sacré à propos de Georges Dumézil et du mana, etc. Alors, je crois que l'objection de Dumézil en ce domaine, c'est qu'on a assimilé des notions tout à fait diverses, différentes, Rome et les civilisations primitives, etc. Voilà, et je pense que c'est aussi le fait que l'anthropologie, l'ethnologie, n'a jamais réussi dans son effort pour définir le sacré. Donc il y a beaucoup d'ethnologues, et Georges Dumézil n'est certainement pas le seul, Lévi-Strauss serait d'accord, ou en Angleterre, des gens comme Evans Pritchard, qui ont écrit des livres sur les théories du religieux pour expliquer que toutes sont mauvaises, et qu'elles seront toutes mauvaises. Alors à mon avis, il ne faut pas abandonner l'effort, il faut continuer à essayer de faire une théorie du religieux proprement dit, ce que l'ethnologie a plus ou moins renoncé à faire. C'était « Le rite et l'interdit », le deuxième des 9 volets de la série de Chemin de la connaissance que Roland Auguet consacrait au livre de René Girard « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Première diffusion le 19 décembre 1978 sur France Culture. À suivre.